Le hip-hop, ma source d'inspiration. Mon cœur, mon sang, ma réflexion. Oh, ma perception. Mon bonheur, mes compositions sont bénédictions. En effet, wah-wah, hérité des bienfaits. Des bienfaits qu'apporte la société. Yo, le monde torture, la pauvreté torture. La justice nous a à l'usure. Silence au cœur pur. Le ciel m'a thérapie. Je bénis mes ennemis. Que le fils de l'homme soit béni. Regardez l'amour prendre possession de ma pensée. Prophétiser le sensé, dicter mon enseignement. Profitez, profitez du temps présent. Mesdames et messieurs, approchez, voici silence. Silence en bonne conscience. Maître de la spiritualité. Écoutez les nuages, le mal, mauvais présage. Laissez la rue pour mon subconscient. Mon bien en dépend. Mes frères me suivent à présent. Je suis maître. Maître, maître de mon être. J'aimerais raisonner l'enfant qui tombera par les armes. Faux prophète sous le charme. La jeunesse sous le charme. Le charme de la fiction. J'aimerais raisonner l'enfant qui tombera par les armes. Faux prophète sous le charme. La jeunesse est sous le charme. Le charme de la fiction. Un savoir qui mène à rien. La connaissance d'un monde ancien. Plus rien de bon, plus rien de bien. Entre mes mains, un chemin sans lendemain. J'aimerais raisonner l'enfant qui vit par les armes. Par les armes, lui donner un travail et une vie de famille. Un bon Dieu pour sa réussite. Aussi pour celui-ci, un inconscient. Guidé par mes forces, lui transmettant ma prophétie. Mon monde, ma marche à suivre, mon esprit. Confectionner l'enfant des rues à ma façon. Bénir chaque action. Créer un système de forte compassion. De l'argent pour la pauvreté. Les âmes ont su tuer, ont su voler. Le fils le plus cher de ma destinée. Ma mère travaille trop haut pour peu d'argent. Béni soit le ciel. Sans elle, l'existence serait démentielle. Les portes de l'irréel. Les hommes oublient l'orphelin. L'égoïsme naturel quitte le lendemain. Un lendemain sans destin. Celui qui perçoit, reçoit l'instruction dans la foi. La douleur d'un monde de désarroi. J'ai rejeté la rue, j'ai vu. À présent le droit chemin a vaincu. L'âme était perdue. Ne rejetez pas mes instructions. J'ai combattu un démon. Un savoir qui mène à rien. La connaissance d'un monde ancien. Plus rien de bon, plus rien de bien. Entre mes mains, un chemin sans lendemain. Un savoir qui mène à rien. La connaissance d'un monde ancien. Plus rien de bon, plus rien de bien. Entre mes mains, un chemin sans lendemain.